le chant et la prière dans l'Occident médiéval, aujourd'hui, la réforme cistercienne. Bien-aimés, je vous exhorte à assister aux offices divins avec honneur et diligence, avec diligence et respect, pour vous tenir en présence du Seigneur avec ardeur. Non pas en paresseux, somnolent, nonchalant, en économisant les voix, en rognant les mots de moitié, les écorchant en sautant de l'un à l'autre, non pas avec une voix cassée et molle à la façon des femmes, en bredouillant dans le nez. Mais faites ce qui est digne, en faisant retentir les voix avec virilité, afin qu'elles soient prises dans la mouvance de l'Esprit-Saint. Saint Bernard, sermon 47. Le répond que nous entendons est un répond de procession. Les moines le chantaient à l'ascension. Il est caractéristique de l'esthétique cistercienne. C'est un chant sans incertitude modale, sans large tessiture. Autrement dit, un chant épuré. Il en va de même pour toutes les autres formes de l'art cistercien. L'architecture, les vitraux reposent sur le même principe de pureté et de dépouillement. Les vitraux sont sans couleur, les églises adoptent un plan en croix. Un chevet plat, sans chapelle rayonnante, un transept saillant. L'art cistercien est un art des proportions, un art inscrit dans une tradition philosophique qui fait des mathématiques l'instrument de la création divine. Ces principes ont été appliqués à la musique par Guy II, le théoricien de l'ordre. C'est son traité qui pose les bases de ce que l'on a appelé la réforme cistercienne. Toutefois, cette réforme n'est pas intervenue tout de suite. Robert de Molesme, le fondateur de Cîteaux, dont on a vu hier l'extraordinaire aventure en 1098, il y a tout juste 900 ans, Robert ne s'était pas penché sur le problème du chant. Son successeur, Albéric, ne s'est pas non plus soucié de réformer le chant. La véritable réflexion sur le chant liturgique a commencé avec le troisième abbé de Cîteaux, Étienne Harding, comme nous le relate Marcel Pérez. Après le départ Robert de Molem, qui sent que Cîteaux va prendre de l'importance et que les hommes commencent déjà à se déchirer pour revendiquer une parcelle de pouvoir, eh bien, il laisse tomber l'abbaye et il s'en va d'abord à Molem et puis ensuite il va faire tout ce qu'il peut pour retourner seul dans la forêt. Et Étienne Harding, donc son compagnon des premières heures, va essayer de mettre en ordre, en fait, ce mouvement qui commençait à prendre de l'importance parce que de plus en plus des jeunes venaient pour recevoir l'enseignement et puis pratiquer ce mode de vie. Et dans cette démarche de retour aux sources, eh bien, assez rapidement, la liturgie et le chant, la question du chant est venue sur le tapis. Quel chant pratiquer? Étienne Harding était conscient de la diversité des traditions parce que lui-même était originaire d'Outre-Manche. Il avait voyagé, il était allé à Rome en pèlerinage dans sa jeunesse. Donc à l'époque, on voyageait à pied, on avait le temps de se rendre compte de la diversité des traditions liturgiques. Dans ce mouvement de retour aux sources, Étienne Harding a proposé de retourner au chant romain, de se remettre à pratiquer le chant romain. À cette époque-là, la situation politique à Rome et en Italie était assez troublée. Il était fastidieux et dangereux d'envoyer des chantres à Rome pour recopier les manuscrits romains et revenir enseigner leur frère bourguignon. Et Metz, la ville de Metz, jouissait encore à cette époque de la réputation d'avoir conservé les traditions romaines de la manière la plus consciencieuse. Donc Étienne Harding envoie des chantres à Metz pour recopier les antiphonaires messins pour en faire la base du chant à l'usage des communautés cisterciennes. Et pendant toute cette période, jusque dans les années 35, eh bien, on va chanter ce chant de Metz dans les monastères cisterciens. En écoutant cette pièce que nous venons d'entendre, il faut imaginer les célébrants qui s'avancent dans l'église. Cette pièce était en effet un introït, autrement dit, une pièce du début de la cérémonie. C'est du chant que l'on dit vieux romain, le type de musique que les jeunes moines envoyés à Metz par Étienne Harding avaient pu entendre et qu'ils avaient rapporté à Cîteaux, même s'ils avaient trouvé que ce répertoire n'était pas tout à fait de leur goût. Étienne Harding avait imposé ce retour aux sources musicales comme un retour aux sources spirituelles. Le deuxième changement musical, la véritable réforme cistercienne, c'est à Saint-Bernard qu'on la doit. À la mort d'Étienne Harding, Saint-Bernard et tous les jeunes qui sont autour de lui vont décider que les choses ont assez duré, que les vieux nous ont assez bassinés avec leur fantasme de retrouver à ce chant romain, mais qui n'est plus du tout pur. Enfin, eux sont persuadés qu'ils ont la notion de vérité et de pureté en soi, et leur guide, c'est la raison. Si les choses n'entrent pas dans le cadre de leurs schémas qui sont très stricts, il faut les éliminer. Ce sont des ajouts postérieurs, décadents. Alors voilà, cette nouvelle génération, c'est des hommes nouveaux qui n'ont plus le respect de la tradition et qui vont de toutes pièces créer une autre tradition. C'est une cassure et peut-être qu'il faut voir là ce qui va ensuite au cours des siècles séparer l'Orient de l'Occident, parce que en Orient, on va conserver encore pendant longtemps le sens du respect du maître et de la chose qui est transmise par quelqu'un de vivant. Tandis qu'en Occident, de plus en plus, on va utiliser sa raison pour juger l'héritage transmis et, s'il le faut, le transformer ou même le supprimer. Autour de Saint-Bernard, on essaie de penser à ce que pourrait être une réforme musicale. Non pas pour recomposer tout un répertoire, mais pour prendre ce répertoire standard, romano-franc, et puis le remettre dans des canons qui, à leurs yeux, leur semblent primitifs. Alors on va supprimer toutes les ambiguïtés des modes, par exemple une pièce qui commence dans un mode, qui passe dans un autre mode, et qui revient au premier mode, ou qui ne revient pas dans ce premier mode, on va supprimer ça. On va décider que chaque mode doit avoir une tessiture spécifique, qu'on ne dépassera pas, ni au grave, ni à l'aigu. Donc, par exemple, le mode de Ré, le premier mode de Ré, le mode autan, ne descendra pas en dessous du Do, c'est-à-dire un ton sous la tonique, et ne montera pas plus qu'un ton au-dessus de l'octave, de la finale. Et les pièces qui dépassent cet ambitus seront tout simplement mutilés pour les faire entrer dans ce cadre. Vous voyez, ça fait un peu penser aux arbres qu'il y a autour de la grande bibliothèque qui sont dans des cages. Vous voyez, quand il y a une branche qui dépasse, on la coupe. Thank you. La plupart du temps, les cisterciens se sont contentés de remodeler le répertoire grégorien en fonction de leur esthétique. Mais parfois aussi, ils ont composé des pièces spécifiques, tout un répertoire en particulier en l'honneur de leur saint, Saint Bernard, pour le jour de sa fête, le 20 août. C'était le cas du « Répond de l'office de matine » que nous entendions à l'instant. Cet office, qui était chanté au cœur de la nuit, ne comprenait pas moins de 12 lectures ponctuées par le chant. On chante dans les monastères d'hommes, on chante aussi évidemment dans les monastères de femmes, comme à Péris, près de Colmar, une abbaye cistercienne dont un manuscrit vient d'être enregistré par l'ensemble Discantus. Voici l'hymne Enixa est puerpera, autrement dit, la Vierge enceinte a enfanté. Qu'on pense les pièces musicales par rapport à Fontfroide, à Senanque, à toutes ces abbayes qui fleurissent. Oui, il y a une convergence, une simultanéité quoi, entre cette réforme qui se fait dans les années 30-35 et puis cette architecture cistercienne qui va également se développer à partir de ces années-là et jusqu'à la fin du XIIe siècle. L'idée, c'est de construire des œuvres d'art qui s'inscrivent dans ces proportions premières que nous avons déjà évoquées, donc un demi, deux tiers, trois quarts, qui correspondent en musique à la quinte, la quarte, l'octave et le ton. Et à partir de ces proportions, eh bien, vous apercevez que toutes les églises cisterciennes rentrent dans ce cadre. Et cette architecture du milieu du XIIe siècle va créer une acoustique aussi particulière. Nous avions, en 1990, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Saint-Bernard, fait une étude sur l'acoustique cistercienne de cette époque avec des acousticiens du CNRS et nous avions trouvé un certain nombre de constantes, notamment un temps très long. Vous voyez, quand on chante dans ces acoustiques, eh bien le son continue à à vivre pendant 10 à 15 secondes, suivant les endroits. Il y a quelque chose d'assez caractéristique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu ou simplement une conséquence de cette architecture stricte qui obéit à des canons clairs? En tout cas, le fait est que toutes ces acoustiques ont un temps de résonance très très long. Et le chant de la réforme cistercienne chanté dans ces acoustiques prend une dimension particulière, devient très très ample, très noble. La respiration est immense, quoi. Pour vous donner une petite idée de l'influence de ces acoustiques, le même programme que l'on avait donné ici à Royaumont, dans le réfectoire, vous savez, nous n'avons plus d'église à Royaumont, nous faisons les concerts dans l'ancienne salle à manger. Bon, c'est quand même une salle à manger du XIIIe siècle, et donc avec un temps de réverbération très très court, d'à peu près 3 secondes, le concert durait 1 heure, et le même concert au Toronné durait 1 heure et demie. Les pièces que nous avons entendues ce soir étaient extraites de 2 disques que je vous recommande particulièrement. Hortus Delicarum, Le Jardin des Délices, un disque qui vient de sortir, enregistré par l'ensemble Discantus sous la direction de Brigitte Laine. L'autre disque étant un disque consacré entièrement au chant grégorien par l'ensemble Organum et Marcel Pérez.